Je vous vois et vous me voyez. J'ai une certaine conception de vous et vous de moi. Je vois votre comportement et vous voyez le mien. Mais je ne vois pas. Je n'ai jamais vu et ne verrai jamais votre expérience de moi. Pas plus que vous ne pouvez voir mon expérience de vous. Je ne peux pas faire l'expérience de votre expérience, ni le contraire. Nous sommes l'un et l'autre des hommes invisibles. Tous les hommes sont invisibles les uns aux autres. Elle avait une certaine conviction qu'il y avait quelque chose de très précieux, profondément perdu ou enseveli en elle, que ni elle ni personne n'avait encore découvert. Si l'on avait pu s'enfoncer dans les profondeurs obscures de la terre, on aurait découvert l'or éclatant. Si on avait pu descendre assez loin, on eût découvert la perle au fond de la mer.